Chapitre 2e. Le soir de ce même jour d'arrivée, au coucher du soleil, je vais faire ma première visite à notre campement de route qui se prépare là-bas, en dehors des murs, sur une hauteur assez solitaire dominant Tanger. C'est une toute petite ville nomade, déjà montée, déjà habitée par nos Arabes d'escorte. Alentour, nos chevaux, nos chameaux, nos mules de charge, entravées par des cordes, pèsent une herbe rase, très odorante. On dirait une tribu quelconque, un douar. L'ensemble exhale une forte odeur de bédouin, et des chants tristes en voix de fausset, des sons grêles de guitare, sortent de la tente des chameliers. C'est le sultan qui a envoyé tout cela aux ministres, matériel, bêtes et gens. Je regarde longuement ces personnages et ces choses avec lesquelles il va falloir se familiariser et vivre, qui vont bientôt s'enfoncer avec nous dans ce pays inconnu. La nuit qui vient, le vent froid qui se lève au crépuscule accentue, comme il arrive toujours, l'impression de dépaysement que ce Maroc m'a causé dès l'abord. Le ciel du couchant est d'une limpidité profonde, dans des jaunes pâles extrêmement froids. Tanger, qui paraît dans le lointain, sous mes pieds, semble à cette heure un éboulement de cubes de pierre sur une pente de montagne. Ses blancheurs, en s'obscurcissant, tournent au bleuâtre glacé. Au-delà s'étend la mer d'un bleu sombre. Au-delà encore, en silhouette d'un gris d'ardoise, se dessine l'Espagne, l'Europe, une proche voisine avec laquelle ce pays, paraît-il, fraye le moins possible. Et cette pointe de notre monde à nous, que j'ai quittée il y a quelques heures à peine, vue d'ici, me fait l'effet tout à coup de s'être effroyablement reculé. Je reviens à Tanger par la place du Grand Marché, qui est un peu au-dessus de la ville, à l'extérieur des vieux murs crénelés et des vieilles portes ogivales. Il y fait presque nuit. Par terre, sur une étendue d'une centaine de mètres carrés, il y a une couche de choses brunes qui grouillent faiblement. Chameaux agenouillés, prêts à s'endormir, pêle-mêle avec des bédouins et des ballots de marchandises. Caravanes qui sont parties peut-être des confins du désert, par les routes dangereuses et non tracées, pour venir jusqu'ici où finit la vieille Afrique. Jusqu'ici en face de la pointe d'Europe. Au seuil de notre civilisation moderne. Des bruits de voix humaines très rauques et des grognements de bêtes s'élèvent de ces masses confuses qui couvrent le sol de la place. Devant un petit feu qui flambe jaune, au milieu d'un cercle de gens accroupis, un sourcier nègre chante doucement et bat du tambour. L'air de la nuit, de plus en plus frais, promène des exhalaisons fauves. Le ciel s'étoile partout, dans une limpidité profonde. Et voici qu'une grande musette arabe commence à gémir, dominant tous les autres bruits de sa voix aigre et glapissante. Oh, j'avais oublié ce son-là, qui depuis pas mal d'années n'avait plus glacé mes oreilles. Il me fait frissonner, et j'éprouve alors une très vive, très saisissante impression d'Afrique, une de ces impressions des jours d'arrivée, comme on n'en a déjà plus les lendemains quand la faculté de comparer s'est émoussée au contact des choses nouvelles. Elle continue, la musette, avec une sorte d'exaltation croissante, son air monotone qui déchire. Je m'arrête pour mieux l'entendre. Il me semble que ce qu'elle me chante là, c'est l'hymne des temps anciens, l'hymne des passés morts. Et j'ai un instant de plaisir étrange à songer que je ne suis encore ici qu'au seuil, qu'à l'entrée profanée par tout le monde de cet empire du Maghreb où je pénétrerai bientôt, que Fès, but de notre voyage, est loin. Sous le dévorant soleil, au fond de ce pays immobile et fermé où la vie demeure la même aujourd'hui qu'il y a 1000 ans.